Le rassemblement du niveau central consacré au 70e anniversaire de la promulgation de la loi du travail historique par le président Kim Il-sung a eu lieu le 23 juin au palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont participé Park Bong-joo et autres cadres responsables du parti et de l'État, les cadres des organismes du pouvoir, des formations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les fonctionnaires et les travailleurs des organismes et entreprises de la ville de Pyongyang. Dans son rapport, Park Bong-joo, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et premier ministre de la République populaire démocratique de Corée, a dit « Le président Kim Il-sung, qui a assuré la racine historique de la solution du problème du travail à travers la rédaction du programme en 10 points de l'Association pour la libération de la patrie au cours de la révolution anti-japonaise, a promulgué la loi du travail historique le 24 juin de l'an 35 du Juche 1946, après la libération nationale. Depuis lors, le système de travail socialiste de notre pays, le plus révolutionnaire et le plus populaire, a montré ses avantages et sa puissance sous la direction lucide du grand leader et du grand parti, et opéré un grand changement dans la vie de travail de la population. »